Document 2, page 80. Tu n'as pas très bonne mine ce matin. Ça ne va pas? Si, ça va très bien. Mais je viens de donner mon sang. J'ai besoin d'un bon café avec un croissant. On y va? Tu fais ça souvent? 3 ou 4 fois par an. Je trouve que c'est bien, pour moi et pour les autres. Oui, c'est bien, mais... Bon, c'est évident que je préfère aller au cinéma. Mais quand je le fais, je suis très content de moi après. C'est aussi ça, la solidarité. Moi, je n'ai jamais essayé. Pourquoi, tu as peur? Peut-être un peu, oui. Ça ne fait pas mal, tu sais. C'est vrai que ce n'est pas très agréable, mais je pense qu'il faut le faire. Oui, je crois que tu as raison. Il faudrait peut-être que j'y aille avec quelqu'un la première fois. Si tu veux, on peut y aller ensemble. Oui, je serai peut-être plus courageuse avec toi. Oh, tu sais, ce n'est pas nécessaire d'être très courageux. Tu me connais, je ne suis pas Superman. Je sais, mais toi, tu t'intéresses beaucoup aux autres. Si quelqu'un a un problème, tu as toujours envie de l'aider. Tu es toujours prêt à donner un coup de main. C'est ton caractère. C'est sûr que c'est mon caractère, mais c'est surtout mon éducation.